Il n'y a que toi et moi, deux oiseaux mouillés au passage protégé. Il n'y a que toi et moi, deux oiseaux mouillés qui n'osent plus bouger. Il y a ce train qui va t'emmener vers d'autres contrées, vers d'autres pensées. Il n'y a que nous en sommes dans ce monde oublié. Il n'y a que nous en sommes et cette scène, nous sommes de